Oui, alors bonjour. C'est la dernière musique de l'album. Alors, il y a plein de reprises là-dedans. Mais sauf que c'est fait à ma façon. Alors, si vous aimez pas, allez vous faire foutre. Hein. Et puis, sinon, écoutez jusqu'à la fin. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Ok. Nous, on est pas marrant. Coupe le courant. Enfin, bref. Tu la connais peut-être. Eh ben, allez, enjoy! J'avais dit à vous déplaire, car je suis que provocation. J'avais dit à vous mépriser, sans aucune justification. J'avais dit des sentiers perdus. Le pognon, c'est une maladie mentale qui est en train de niquer toute la planète. Et nous, on nous fait croire que pour vivre peinard, y'a qu'à buter toutes les vaches folles et surtout les islamistes. Même si c'est vrai que quand même, les islamistes, c'est comme les témoins de Jéhovah. S'ils auraient de l'humour, bah ils seraient déjà plus crédibles. Trop de pain, trop de choix, plus pas le résultat. Concept de taré, musique de barré, un truc de gaga qui te bousille l'estomac. Tard le soir, ça agace les voisins. On n'entend plus que les basses, ça fait vibrer le parquet. La fille t'a vu dessus, elle est pas les basses. Et la fille t'a vu dessus, elle est pas beaucoup les basses. J'ai tout visité en deux secondes, mais gâteau que la seconde. J'ai fait tous les jobs possibles, plombier, buté belle fille, les sodomisés à Lousseau avec le vin de Marteau. J'ai grandi à Harlem avec Paul Prébois et Bordel. J'ai braqué le CIO pour m'acheter le Figaro. J'ai buté ma grand-mère parce que je ne savais pas quoi faire. En direct, t'es pas en duplex, si t'es complexe, c'est sous claque dans tes temps. C'est des conneries rendues, tu sais que j'm'en fous. Chose comme d'autres qui comptent, je ne serai jamais comme qui compte. Car j'ai réveillé le bon, bon, bon, bon, bon. J'ai réveillé le bon, bon, bon, bon. Je veux réveiller le bon qui est à moi. Réveiller le stupide, stupide, bon, bon. Je veux réveiller le bon qui est à moi. Faire péter le dieu bon, mais son compte fait péter le bon. Je veux réveiller le bon qui est à moi. Je te baiserai et que l'autre jour je t'enculerai salope. Je te baiserai salope. Je t'enculerai salope. Je te ferai jouir un jour. Ah ah ah ah ah. L'avance n'est jamais que l'infini. Mis à la portée de tous les caprices. À l'image je serai dans ton sexe. Je veux virer mon plein ma honte. Salope. Je te baiserai salope. Je t'enculerai salope. Je te ferai jouir un jour. Ah ah ah ah. Tu les sataniques, les schizophrènes, les fanatiques. J'encule mon père, j'encule ma mère, et j'encule ma grand-mère. J'encule les cons, j'encule les nés, et j'encule les armées. J'encule cette musique de merde, j'encule ceux qui vont me perdre. J'encule les étoiles, j'encule les cieux, les archanges, les démons, et j'encule Dieu. Je t'encule, putain de public. Je n'en veux